La passion de Jésus. Sous les murs de Jérusalem, une foule joyeuse agite des palmes pour acclamer Jésus qui entre dans la ville, assis sur un petit âne. Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Les gens jettent leurs manteaux devant lui pour faire un tapis. Pourtant, dans son cœur, Jésus sait qu'il ne monte pas vers un palais de roi, mais vers le bois de la croix. Le soir venu, Jésus et les apôtres sont réunis pour la fête de la Pâque. Pendant le repas, Jésus prend du pain, le bénit, le partage et le donne à ses amis en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. » Puis il prend une coupe de vin, rend grâce à Dieu et la donne aux apôtres en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. » Les apôtres sentent qu'il se passe quelque chose de très important. Ils n'oublieront jamais ce moment. Puis le groupe se rend avec Jésus au jardin des Oliviers. « Mon âme est triste, » dit Jésus à ses amis. « Restez éveillés et priez avec moi. » Mais les apôtres, fatigués, s'endorment. Seuls, au plus profond de la nuit, Jésus tremble d'angoisse. « Père, éloigne de moi cette coupe de douleur, mais que tout se passe comme tu veux et non comme je veux. » Soudain, une troupe armée d'épées et de bâtons surgit dans le jardin. À leur tête se trouve Judas, le traître. Il s'approche de Jésus et lui donne un baiser. C'est le signal. Aussitôt, Jésus est arrêté comme un voleur. Tous les apôtres s'enfuient. La troupe emmène Jésus devant les grands prêtres juifs et les anciens qui l'accusent. « Tu as dit que tu étais le Fils de Dieu. » Jésus répond simplement « Je le suis. » « Il blasphème !» s'écrie le grand prêtre, horrifié. « Il doit mourir !» Il décide d'envoyer Jésus devant Pilate, le gouverneur romain, qui l'interroge à son tour. Pilate ne voit pas ce que Jésus a fait de mal, mais il a peur de la foule. Il propose alors un marché. « C'est la coutume de relâcher un prisonnier le jour de la Pâque. Voulez-vous que je relâche Jésus ou Barabbas ?» Ce Barabbas était un bandit. Lorsque la foule excitée crie « Barabbas !», Pilate laisse condamner Jésus. Une longue journée de souffrance commence alors pour Jésus. Il est d'abord fouetté, puis des soldats lui posent sur la tête une couronne d'épines. Il le couvre d'un manteau rouge et se moque de lui. Il le gifle et lui crache dessus. Jésus ne dit rien. Puis Jésus est chargé de sa croix. Comme elle est lourde. Épuisé, il tombe une fois, puis deux, puis trois. Beaucoup de gens sur le chemin pleurent en le voyant passer. Arrivé au sommet de la colline du Golgotha, Jésus est cloué sur la croix. À droite et à gauche de Jésus, deux brigands sont aussi crucifiés. Le premier ricane. « Hé, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et nous avec. »« Tais-toi !» l'interrompt le second. « Lui, il n'a rien fait de mal. » Et s'adressant à Jésus, il supplie. « Souviens-toi de moi dans ton royaume. » Dès aujourd'hui, « Tu seras avec moi dans le paradis », lui promet Jésus. Debout, au pied de la croix, se tient Marie, courageuse, avec l'apôtre Jean. Jésus la regarde tendrement et lui dit « Femme, voici ton fils. » Puis tournant les yeux vers Jean, il ajoute « Voici ta mère. » À partir de cet instant, Jean prend soin de Marie. Et pour tous ceux qui croient en son fils, elle devient une maman. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus pousse un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit !» Et il rend son dernier soupir. L'obscurité, soudain, recouvre tout le pays. Un tremblement de terre secoue Jérusalem. Les gens sont effrayés. Un centurion romain s'exclame : « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu !» Des amis de Jésus, le cœur serré par le chagrin, le détachent de la croix. Ils enveloppent délicatement son corps meurtri dans un grand linceul blanc et le déposent dans un tombeau creusé dans un rocher. Puis ils roulent une grosse pierre devant l'entrée avant de s'en aller dans le silence de la nuit.